إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasser ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala. On continue l'explication de Sourat Al-Mumtahana que l'on avait entamée la semaine dernière, et l'on avait expliqué les versets 1 à 10. On commence aujourd'hui par le verset 11. لكن الله سبحانه وتعالى دي وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Verset 11 de سورة الممتحنة. لكن الله سبحانه وتعالى دي selon le sens. Et si certaines de vos épouses s'échappent vers les mécréants et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah en qui vous croyez. Pour mieux comprendre ce verset, il faut bien sûr avoir en tête le verset précédent. Le verset 10, que l'on a expliqué la semaine dernière, où Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrés, mettez-les à l'épreuve. » Quand les croyantes viennent à vous émigrés, c'est-à-dire qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Mettez-les à l'épreuve, c'est-à-dire assurez-vous qu'elles sont bien croyantes et qu'elles n'ont pas quitté la Mecque et pour se rendre à Médine dans le but de se marier avec un homme ou de rechercher tout autre bienfait mondain. Allahu a'lamu bi'imanihin. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Car lors du pacte de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu comme accord avec les polythéistes, c'est que tout musulman qui part de la Mecque vers Médine, que le professeur Hassan devait le renvoyer. Et ici, Allah Azza wa Jalla a fait l'exception aux femmes croyantes. Ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, c'est-à-dire pour les koufars, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Donc les koufars ne sont pas licites également pour les croyantes, et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé. C'est-à-dire, si des femmes qui ont embrassé l'islam quittent la Mecque pour se rendre à Médine, ne les renvoyez pas, après vous êtes assurés de leur foi, ne les rendez pas aux mécréants. Et Allah Azza wa Jalla dit, et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé, c'est-à-dire, rendez au mécréant qui était l'ancien mari de cette femme croyante, rendez-lui ce qu'il a dépensé comme dot. Et Allah Azza wa Jalla dit, selon nos sens, il ne vous sera fait aucun grief, c'est-à-dire aucun reproche, en vous mariant avec elle quand vous leur aurez donné leur mahr, quand vous leur aurez donné leur dot. C'est-à-dire si une polythéiste de la Mecque se convertit à l'islam puis quitte la Mecque pour se rendre à Médine, Allah Azza wa Jal nous ordonne de payer à son ancien mari la dot, et Allah Azza wa Jal dit qu'il n'y a pas de mal à se marier avec cette femme à condition de lui donner sa dot. Et Cheikh Saadi a dit également, et de subvenir à ses besoins. Et Allah Azzawajal dit, il ne gardait pas de liens conjugaux avec les mécréantes. On avait dit que ce verset était une preuve que le musulman n'a pas le droit de se marier avec une non-musulmane, exception faite aux juives et aux chrétiennes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Réclamez ce que vous avez dépensé, c'est-à-dire si une femme musulmane apostasie et retourne à la Mecque. Dans ce cas, réclamez ce que vous avez dépensé comme dot. De la même façon que les mécréants, lorsqu'une femme se convertit à l'islam et quitte la Mecque pour se rendre à Médine, les musulmans doivent lui donner une compensation par rapport à la dot qu'il avait payée. Bien de la même façon, si une croyante apostasie et retourne à la Mecque, les mécréants devront eux aussi rembourser le mari de cette femme qui a apostasié en lui remboursant la dot qu'il a lui aussi payée. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Allah est omniscient et sage. Donc on s'est arrêté la semaine dernière à ce verset. Aujourd'hui, le verset 11, Allah Azzawajal dit « Et si certaines de vos épouses s'échappent vers les mécréants ?» Donc ici, Allah Azzawajal s'adresse aux musulmans. « Si certaines de vos épouses s'échappent vers les mécréants et que vous fassiez des représailles. » Et on verra l'explication de Cheikh Saadi que l'on va lire de suite. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبنا مرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. Donc ici, soyez attentifs à cette parole de Cheikh Saadi rahimahullah. Il dit la parole d'Allah Azza wa Jal, et si certaines de vos épouses s'échappent vers les mécréants et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Il dit, rahimahullah, comme cela a été cité précédemment, que les non-musulmans prenaient une compensation en leur remboursant ce qu'ils ont dépensé comme dot pour leurs épouses, qui se sont enfuies vers les musulmans. Il dit, rahimahullah, les femmes musulmanes qui s'enfuient vers les non-musulmans, c'est-à-dire en ayant apostasié, et qu'il n'a pas eu de compensation de la part des koufars, de la part des non-musulmans, car on a dit que les non-musulmans devaient eux aussi donner une compensation. Alors les musulmans doivent lui donner, c'est-à-dire à ce musulman lésé, du butin, ce qui compense la dot qu'il a versée. Est-ce que vous avez compris ? Celui dont la femme s'est échappée vers les mécréants. Donc il dit, rahimahullah, celui dont la femme s'est échappée vers les mécréants et qui n'a pas reçu de compensation de leur part. Car comme l'ont dit d'autres mufassirin, les mécréants refusaient de compenser les musulmans. Alors, en cas de bataille et d'obtention du butin, et c'est l'explication de la parole d'Allah Azzawajal selon le sens, et que vous fassiez des représailles. Des représailles, c'est-à-dire des batailles dans lesquelles vous gagnez du butin. Alors donnez de ce butin à celui qui n'a pas eu de compensation avant de le partager. C'est-à-dire que les musulmans, s'ils combattent les non-musulmans et qu'ils gagnent et qu'ils obtiennent un butin, ils devront d'abord, avant de se partager ce butin, rembourser les musulmans dont les femmes se sont enfuies après avoir apostasié chez les mécréants et qui n'ont pas eu de compensation sur la dot qu'ils ont versée. Alors, rembourser d'abord ces musulmans à travers ce butin. Et ensuite, vous vous partagez le butin. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Et craignez Allah envers qui vous croyez. Car votre croyance en Allah Azzawajal implique que vous fassiez tout le temps preuve de piété. ثم قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Il dit Azzawajal dans le 12e verset de Sourate Al-Mumtahana, selon le sens, ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et jurent, c'est-à-dire ces croyantes, qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est al-ma'rouf, le bien, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Al-Sheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit « هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء التي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ما أمره الله به فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن لا يشركن بالله شيئا بأن يفردن الله وحده بالعبادة ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن والبهتان الافتراء على الغير أي لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم ولا يعصينك في معروف أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطييبا لخواطرهن إن الله غفور رحيم أي كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. Il dit, rahimahullah, que ces conditions qui ont été citées dans ce verset ont été appelées mubayatun nisa, c'est-à-dire le pacte d'allégeance des femmes. Des femmes qui faisaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le pacte d'allégeance de respecter toutes ces obligations, qui sont obligatoires pour les hommes comme pour les femmes à tout moment. Quant aux hommes, ce qui leur est demandé, ce qui est obligatoire pour eux, diffèrent en fonction de leur niveau et de ce qui leur a été exigé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application l'ordre d'Allah azza wa jal. Lorsqu'une femme ou lorsque les femmes venaient lui prêter allégeance et qu'elles respectaient ces conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah le pardon pour elles de ce qui pourrait émaner d'eux comme manquement. Et Allah azza wa jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisaient entrer parmi les croyantes. Ces conditions sont « La yushrikna billahi shay'a » de ne rien associer avec Allah en adorant Allah azza wa jal seul. « Wa la yaqtulna awladahun » de ne pas tuer leurs femmes comme cela était fait par les femmes avant l'arrivée de l'islam. « Wa la yaznin » et qu'elles ne commettent pas l'adultère. Naam. Naam. Naam. Et ne pas tuer leurs enfants, afwan. Wa la yaqtulna awladahun. Et qu'elles ne tuent pas leurs enfants, comme cela était le cas chez les femmes avant l'arrivée de l'islam. Wa la yaznin. Et elles ne commettent pas l'adultère, comme cela était présent chez beaucoup de prostituées ou de femmes qui avaient des amants. Zawatul akhdan, celles qui ont des amants. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihin wa arjulihin, et qu'elles ne commettent aucune calomnie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Et la calomnie, c'est le fait de mentir sur autrui, al-iftira wa 'ala al-ghayr. Ainsi qu'elles ne doivent pas mentir, que ce mensonge les concerne elles et leur mari, ou que ce mensonge concerne autrui. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, et qu'elles ne te désobéissent pas dans le bien, c'est-à-dire qu'elles ne te désobéissent pas dans tous les ordres que tu leur adresses, car tu n'ordonnes que le bien. Et parmi leur obéissance à tes ordres, l'interdiction de se lamenter, de déchirer ses vêtements, de blesser son visage ou de faire des invocations parmi les invocations de la période anté-islamique. Car ceci était une chose qui caractérisait les femmes. Avant l'arrivée de l'islam, elles se lamentaient lorsque un décès survenait et concernait l'un de leurs proches. Concernant ce verset, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ, qu'elles ne commettent aucune calomnie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. Ici, من باب الفائدة, certains mufassirin ont donné deux explications à ce verset. La première, ou deux autres explications autres que celles qu'a données Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, même s'il y a une similitude. Certains mufassirin ont dit ici que les femmes, avant l'arrivée de l'islam, volaient des enfants, volaient des nouveau-nés, et disaient à leur mari, « Ceci est mon enfant que j'ai eu de toi. » Et c'est cela la calomnie qu'elle ont fait avec leurs mains et leurs pieds. Et ici, les Mufassirin ont dit, car la femme, lorsqu'elle donne ou lorsqu'elle met au monde un nouveau-né, eh bien, ce nouveau-né sort entre ses mains et ses pieds. Et d'autres Mufassirin ont dit, c'est-à-dire, ne mentez pas, ne commettez pas de calomnie. Car, Et ne faites pas de calomnie, et Allah Azzawajal a cité les mains et les pieds, car pour vouloir dire la personne. C'est-à-dire, ne faites pas de mensonges, ne proférez pas de calomnie. Et Allah Azzawajal a cité les mains et les pieds, car la plupart des gestes et des actes que font les êtres humains, ils le font la plupart du temps avec leurs mains et leurs pieds. Pour cela que les Arabes disent « هَذَا جَزَاءُ مَا كَسَبَتْ يَدَكَ » Ceci est la rétribution de ce que tes mains ont fait. Mais cela peut concerner une chose qu'une personne aurait pu faire avec sa langue, par exemple, ou avec ses pieds, ou avec un autre membre de son corps. Donc le fait que les Arabes disent « هَذَا جَزَاءُ مَا كَسَبَتْ يَدَكَ » c'est ce que tes mains ont fait, c'est une expression. D'accord ? Car la plupart des choses que fait l'être humain, il les fait avec sa main et également avec ses pieds. Donc ce sont les trois explications qui ressortent de ce verset ou de cette parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ Puis, Cheikh Saadi dit, Allah Azza wa Jal dit, فَبَيْعْهُنْ Reçois alors leur serment. C'est-à-dire, si ces femmes viennent à toi et acceptent ces conditions, et acceptent toutes ces conditions, alors reçois et accepte leur serment. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ Et demande à Allah de leur pardonner. De leur pardonner leur manquement qu'ils pourraient avoir face à ces obligations. Et ceci également pour les rassurer. Pour les rassurer. Inna Allah ghafur rahim. Allah est pardonneur. C'est-à-dire qu'il pardonne beaucoup à ceux qui lui désobéissent. Et qu'Allah Azza wa Jal est bienfaisant envers ceux qui commettent des péchés puis font suivre cela par le repentir. Rahimun, il est tout miséricordieux, c'est-à-dire que sa miséricorde englobe toute chose. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Et Allah Azza wa Jal dit dans le 13e verset de Sourate Al-Mumtahanah, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà comme tous les mécréants désespèrent des gens des tombeaux, c'est-à-dire en prétendant qu'ils ne seront pas ressuscités le jour de la résurrection. » قال الشيخ سعد رحمه الله أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإنما غضب عليهم لكفرهم وهذا شامل لجميع أصناف الكفار قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى تم تفسير سورة الممتحنة والحمد لله رب العالمين. Il dit rahimahullah en expliquant ce 13e verset et dernier de Sourate Al-Mumtahana. Ô vous les croyants, si vous êtes croyants en votre Seigneur, si vous croyez en votre Seigneur et que vous suivez ce qui l'agrée subhanahu wa ta'ala et que vous délaissiez ce qui provoque sa colère, alors ne prenez pas pour alliés des gens contre qui Allah est courroucé Et Allah Azzawajal est énervé contre eux à cause de leur mécréance. Et ceci englobe l'ensemble des catégories de mécréants. Qad ya'isu min al-akhirah, ils désespèrent de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont privés du bien de l'au-delà. Ils n'auront donc dans l'au-delà aucune part. Prenez donc garde à ne pas être leurs alliés, car en étant leurs alliés, vous serez les mêmes, vous bénéficierez de leur mal et de leur mécréance. Et ainsi, vous serez vous aussi privés du bien de l'au-delà comme eux en ont été privés. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Et ici, Cheikh Saadi cite deux explications à ce verset. La première, lorsque ces mécréants qui sont dans leur tombe, lorsqu'ils iront dans la demeure de l'au-delà et qu'ils se rendront compte de la réalité de la situation, ils sauront alors qu'ils n'auront aucune part dans celle-ci. كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ, c'est-à-dire comme les mécréants qui sont dans leur tombe, lorsqu'ils se rendront compte de la réalité de l'au-delà, ils auront alors la certitude qu'ils n'auront de cet au-delà aucune part. Car ils ont été mécréants. Et il dit, rahimahullah, wa yuhtamalu, et l'autre explication est que ils désespèrent de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont renié et mécru en l'au-delà. Ainsi, parce qu'ils ont renié l'au-delà, il n'est pas étonnant qu'ils ont fait des choses qui provoquent la colère d'Allah et des choses qui font en sorte qu'ils méritent le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ils désespèrent donc de l'au-delà, comme les non-musulmans, les kuffars, renient que ceux qui sont morts retourneront un jour à leur Seigneur. Ils désespèrent de l'au-delà, et c'est-à-dire qu'ils renient l'au-delà comme les koufars dans cette vie d'ici-bas renient le fait que les gens qui sont enterrés seront ressuscités et devront rendre compte de leurs actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Al-Mumtahanah, et la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes.